بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence inshallah le cours numéro 119 aujourd'hui dans le livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Bon ben, on va commencer, inshallah. Là, on est arrivé à la page dans le livre du Sharh 824. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَرَوَى أَبُو دَاوُودَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ ابْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِي عن عدي بن أبي ثابت أو عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال من لزم السلطان افتتنه وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. Donc après il dit ولهذا كان يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف إنك لجلف جاف يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. أي نعم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il cite donc ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Et bon, il mentionne ici que c'est un hadith de Al-Hasan ibn al-Hakam al-Nakha'i, selon Adi ibn Thabit, selon un Cheikh parmi les Ansar, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son sens: celui qui reste constamment avec le dirigeant, il sera éprouvé. Hein? Il aura une épreuve ou une tentation dans sa religion. Et il a rajouté en disant, plus le serviteur se rapproche du sultan, c'est-à-dire du dirigeant, eh bien, un serviteur ne se rapprochera pas d'un dirigeant, excepté qu'il va s'éloigner d'Allah. Hein? Plus il se rapproche du dirigeant, plus il va s'éloigner d'Allah. Ça, ici, il y a le tahrij du hadith. Ça, c'est un des avantages de cette tab'a. Hein? Avec le tahqiq, il y a le tahrij du hadith. Hein? Et donc, il est rapporté selon Abi Daoud, ce hadith-là, comme on l'a dit. Et il dit, donc, et c'est pour cette raison que il dit, c'est pour cette raison que il disait à propos de la personne qu'il trouvait trop dure, hein, qu'il était comme un bédouin, hein, un bédouin qui était rude et dur. Il voulait indiquer par cela sa dureté, sa rudesse dans sa raison et dans son comportement. Et le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus, parce qu'au dernier cours, on a expliqué le hadith à ce sujet-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani celui qui rentre chez le sultan, il va être éprouvé. Man sakana al-badiya jafa, wa man ittaba' al-sayd ghafal, wa man ata al-sultan iftutin. On a parlé de ça au dernier cours, puis on a expliqué la signification de man atas sultan iftutin. On a dit que ça dépend, il y a deux catégories de personnes qui vont chez le dirigeant. Ceux qui vont, hein, dans le but d'obtenir quelque chose de la dunya, puis que, hein, ils vont pour ces choses, pour être complaisants, puis, hein, flatter le dirigeant. Dans ce cas-là, ça c'est blâmable. Mais si quelqu'un y va dans le but de donner la nasiha au dirigeant, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est louable, c'est quelque chose qui est bien et qui est même parfois obligatoire, comme le cheikh l'a expliqué. Il dit ici, le cheikh Al-Fawzan, قوله ومن لزم السلطان افتتن أي حصلت له فتنة في دينه وهذا إنما يكون إذا أتى السلطان من أجل تحصيل دنيا أو متابعته وتزيينه لظلم الرعية إذا كان ظالما فإذا كان القصد من إتيان السلطان طمع الدنيا والتملق له ومجاملته عن على ما عنده من الأخطاء كان هذا الإتيان مذموما وهذا يفتن صاحبه ويصاب بما أصيب به السلطان وفيه إقرار للسلطان على التجاوزات وفي هذين الروايتين دليل على أن المقصود بالذم هو الإكثار من إتيان السلطان ولهذا قال من لزم السلطان يعني أكثر من المجيء إليه والتردد عليه بخلاف من يأتيه في بعض الأحيان لحاجة أو نصيحة فهذا أخف فالناس بحاجة لإتيان السلطان أي نعم دونك شيخ الفوزان يزيد دونك celui qui reste constamment qui retourne constamment chez le dirigeant il va être éprouvé c'est-à-dire qu'il va avoir une tentation ou une épreuve dans sa religion et ça c'est uniquement dans le cas de la personne qui va chez le dirigeant dans le but d'obtenir quelque chose de la dunya hein, ou bien de le suivre hein, ou bien de lui enjoliver de l'injustice qu'il fait aux gens hein, si c'est un injuste donc si c'est ça l'intérêt ou la raison pour laquelle il va chez le dirigeant hein, de le flatter hein, puis d'être complaisant avec lui dans le but d'obtenir des choses qu'il convoite par rapport au plaisir de la dunya et dans le but de lui faire des flatteries et d'être complaisant avec lui et de lui excuser les erreurs qu'il fait hein, alors dans ce cas là ça c'est blâmable et cette personne elle sera éprouvée dans sa religion à cause de ça et elle aura comme épreuve la même chose que ce que le dirigeant lui-même a comme épreuve et il y a dans le fait dans ce genre de visite dans ce genre de fréquentation des dirigeants une forme d'acceptation de ce qu'ils font comme dépassement des limites de la religion et ça dans ce cas-là c'est blâmable et c'est pas correct. Et le cheikh il dit que dans ces deux narrations qu'on a mentionnées au sujet de hein, celui qui va chez le dirigeant, il est éprouvé dans sa religion. Il y a la preuve hein, que qu'est-ce qui est voulu par le blâme du fait d'aller chez le dirigeant, c'est le fait d'y aller trop souvent aussi, comme si la personne elle y va de façon trop répétée, elle y va trop souvent. Parce qu'on voit dans ce hadith ici, c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « man lazima ». Et le cheikh, il dit ça veut dire « lazima », ça veut dire quelqu'un qui va constamment, qui retourne tout le temps. Contrairement à la personne qui va uniquement de temps en temps, ou bien quelques fois, lorsqu'il y a un besoin, ou lorsqu'il veut donner la nasiha. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose de moindre, hein, et c'est moins grave. Il dit, donc les gens ont besoin d'aller voir le dirigeant parfois et de visiter le dirigeant. Le cheikh dit ensuite وقوله ولهذا كان يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف أي فيك من طبيعة الأعراب وهي الجفاء والجفاء الغلظة فصارت الأعرابية مذمة في الجملة. Donc le cheikh il dit, et les gens ils disent à quelqu'un quand ils le trouvent trop rude ou trop dur, toi t'es un bédouin dur, hein, t'es un bédouin rude. Hein. Et des fois on dit ça à quelqu'un pour comme si pour plaisanter ou bien pour le taquiner des fois. Et toi t'es un vrai bédouin. Hein. Dans le sens que il agit d'une manière un peu rude. Il n'a pas de finesse dans sa façon de parler ou dans sa façon d'agir. Il est un petit peu brut. Hein, avec les gens et dans ses manières. Alors, le cheikh, il dit ça, c'était une parole que les gens avaient l'habitude de dire pour quand ils veulent blâmer quelqu'un dans son comportement ou dans sa dureté, dans sa dureté, ou bien quand quelqu'un a la tête dure. Quelqu'un, il a la tête dure. On dit ça. Ils disent, ah, toi, t'es un vrai bédouin. Donc, le cheikh, il dit ça, ça veut dire que pour les gens, cet attribut ou ce tempérament, c'est un tempérament qui est en général blâmable. Et ça ne veut pas dire que des bédouins ne peuvent pas avoir des belles qualités ou certains bons comportements. Mais c'est, comme le cheikh il dit, en général. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit, وَلَفْظُ الْأَعْرَابِ هُوَ فِي الْأَصْلِ إِسْمٌ لِبَادِيَةِ الْعَرَبِ فَإِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ. Ça c'est cheikh l'islam qui dit ça. On va l'avancer pour montrer le texte. Il dit, ثُمَّ لَفْظَ الْأَعْرَابِ هُوَ فِي الْأَصْلِ إِسْمٌ لِبَادِيَةِ الْعَرَبِ فإن كل أمة لها حاضرة وبادية فبادية العرب الأعراب ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم وبادية الفرس الأكراد ونحوهم وبادية الترك التتار وهذا والله أعلم هو الأصل وإن كان قد يقع فيه زيادة أو نقصان والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا. Donc le cheikh il dit que le terme أعراب en arabe à la base s'est employé pour désigner les bédouins parmi les arabes, et il dit que dans chaque nation il y a des gens des cités, des gens qui vivent dans les villes, et des gens qui vivent à la campagne ou qui vivent en dehors. Et donc, les bédouins parmi les arabes, ou ceux qui vivent à l'extérieur des villes, parmi les arabes, on les appelle arabes, c'est-à-dire des bédouins. Il dit, les gens qui vivent en dehors des villes parmi les romains, on les appelle les al-arman. Je ne sais pas s'il fait référence aux arméniens, ou bien il parle d'un autre peuple qui s'appelle Al-Arman, mais ça ressemble à Arman, comme à arménien, ou des gens ou leurs semblables. Les bédouins, ou les gens qui vivent en dehors des villes parmi les Perses, ce sont les Kurdes. Et ce sont les Kurdes et leurs semblables. Et les gens qui vivent à l'extérieur des villes parmi les Turcs, il dit ce sont les Tatars. Ce sont les bédouins des Turcs. C'est comme chaque peuple, ils ont leurs bédouins, en voulant dire. Et donc, il donne des exemples comme ça. C'est comme par exemple les gens en Europe, ils ont des gens qui vivent dans les villes, puis il y a les gens qui vivent à la campagne. Par exemple, aux États-Unis, il y a les gens, les citadins qui vivent dans les grandes villes, et il y a les campagnards, les cowboys, les gens qui vivent avec les vaches et qui, Donc il y a dans différentes cultures, il y a ces types-là, d'accord. Il y a des nomades, il y a des sédentaires. C'est des choses qui sont connues pas seulement chez les Arabes, même parmi les Amérindiens, les peuples amérindiens, il y avait ça aussi. Il y avait parmi les tribus qui étaient nomades et d'autres qui étaient sédentaires. En tout cas, le cheikh il dit ensuite, il dit ça, Allahu a'lam, c'est ça la base. Et il dit même s'il peut y avoir parfois du plus ou moins selon l'endroit et selon la région, il dit, et pour, disons que quand on regarde les choses puis on analyse l'affaire, si on veut résumer, on peut dire que tous les gens qui habitent en dehors des villes, ils ont le même jugement ou le même verdict que les bédouins. Peu importe s'ils rentrent dans le terme bédouin ou qu'ils ne rentrent pas. Donc, du moins que c'est des gens qui vivent en dehors des villes, on peut les inclure. Il dit أن السائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب. Donc nous on s'est arrêté où? On s'est arrêté ici. Après le Cheikh Al-Fawzan il fait le commentaire de ça. Il dit يقسم الناس باختلاف أنسابهم وطبقاتهم أو يقسم الناس باختلاف أنسابهم وطبقاتهم إلى قسمين حاضرة وبادية وكل جنس له اسم خاص به فسكان بادية العرب يقال لهم الأعراب وسكان بادية الروم يقال لهم الأرمن في الغالب وسكان بادية الفرس يقال لهم الأكراد وسكان بادية الترك يقال لهم التتار وهذا من حيث الأسماء ولكن الاسم المشترك الذي يجمع الطوائف هو عدم سكنى الحاضرة سواء حاضرة العرب أو حاضرة غيرهم فكلهم يأخذون حكم الأعراب وإن لم يسموا أعرابا نظرا لمسكنهم وهو البادية. Donc le cheikh il explique que tout ce que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné, c'est pour faire comprendre que dans tous les peuples, dans différents peuples, il y a ceux qui vivent dans la ville et il y a ceux qui vivent à l'extérieur des villes. Et que peu importe qu'on les appelle bédouins ou non, eh bien ils ont le même jugement ou le même verdict que les bédouins parmi les Arabes, du moment qu'ils ne vivent pas parmi les villes et qu'ils ne sont pas des habitants des villes. Ensuite, il continue, le Cheikh, il dit, فهذا الأصل, on est rendu là, ici, il dit, فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية وإن كان بعض الأعيان أفضل بعض الأعيان أفضل من جنس البادية وبعض الأعيان أفضل من أكثر الحاضرة مثلا ويقتضي أن من فرد به أهل البادية عن جميع جنس الحاضرة يعني في زمن السلف ومن الصحابة والتابعين هو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه. Donc on va relire ça encore une fois. Il dit فهذا الأصل يجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا ويقتضي أن من فرد به البادية عن جميع جنس الحاضرة يعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين هو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى مكروه وهكذا العرب والعجم. أوكي. Donc c'est pas fini. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم ورومييهم وفروسيهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور أو لزم الدور. أوكي. On va revenir maintenant. pour commencer l'explication de ce passage, le cheikh il explique. Donc il dit Allahu Jalla wa Ala lamma dhamma al-ar. Ah oui, je veux que je traduise en premier. Donc il dit la base, hein, cette base là qu'on vient d'expliquer, c'est quelque chose qui implique ou qui oblige que, qui fait en sorte que, yani, on comprend que les gens qui sont dans les villes, de façon générale, sont meilleurs que les gens qui sont à l'extérieur des villes. Même si certains individus, parmi les gens qui habitent à l'extérieur des villes, peuvent être meilleurs que la plupart ou que beaucoup d'entre les gens des villes, par exemple. Et ça implique que, yani, ce que les Bédouins peuvent, yani, quand on regarde, yani, il dit ce que des Bédouins peuvent avoir, ce que les Bédouins peuvent avoir comme caractéristiques particulières, hein, ça implique, donc qu'est-ce que le cheikh dit, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, ça implique une chose, c'est quoi, c'est que si des Bédouins ont certaines particularités ou certains comportements qui leur sont propres, hein, par rapport à tous les gens qui habitent dans les villes, il dit ça c'est à l'époque des salafs, des sahaba et des tabi'in, eh bien il faut savoir que c'est des choses qui sont moins bonnes, si on veut, ou bien déficientes par rapport au mérite des gens des villes, ou que c'est quelque chose qui est déconseillé ou détestable. Et il dit, et lorsqu'on a vu se produire ou apparaître de la ressemblance, hein, ou de l'imitation de la part des gens des villes, hein, des muhajirines, qui ont commencé à imiter peut-être des bédouins ou des gens qui vivent à l'extérieur des villes, il a dit ça, c'est dans ce cas-là, c'est soit quelque chose que c'est déconseillé ou détestable, ou quelque chose qui amène à ce qui est déconseillé et ce qui est détestable. De même que les bédouins, hein, et les non-arabes. De même que les arabes et les non-arabes. Donc c'est la comparaison. Hein, ici, le cheikh il dit, ce sur quoi se tiennent les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, c'est de croire que yani, l'ethnie des arabes est meilleure de façon générale que les ethnies des non-arabes, qu'ils soient hébreux, qu'ils soient syrianiques ou syriaques, ou qu'ils soient roumains, ou bien plutôt romains, ou perses, ou autres. Et que Quraysh est la meilleure tribu parmi les tribus arabes, et que parmi la tribu de Quraysh, la famille de Bani Hashim est la meilleure tribu parmi les familles de Quraysh, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur de Bani Hashim, et que c'est lui qui était donc meilleur, la meilleure des créatures, hein, la meilleure personne, et de la meilleure lignée ou la meilleure généalogie, hein. Et il dit, et l'excellence ou le mérite des Arabes, donc, puis de Quraysh, puis de Bani Hashim, n'est pas uniquement à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des leurs, mais c'est que ils ont ce mérite-là en eux-mêmes, dans leur personne. Hein, ils ont ce mérite-là en eux-mêmes. Et il dit, c'est ce qui vient établir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur par rapport à sa personne et sa généalogie du fait de sa descendance. Sinon, ça serait un raisonnement qui reviendrait à tourner en rond. Hein. Ce serait un raisonnement qui serait incomplet. Donc, tout ça, ce qu'on vient de dire maintenant, le cheikh Al-Fawzan il va l'expliquer de façon un peu plus simple. Donc on va lire maintenant ensemble qu'est-ce que le cheikh a dit. Il dit, et j'espère qu'on aura le temps de le terminer, il dit Allahu Jalla wa Ala lamma dhamma al-a'rab qala من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فلا يفهم من هذا أن كل من سكن البادية مذموم بل قد يكون فيهم من هو خير من كثير من أهل الحاضرة كما أنه لا يفهم أن كل من سكن الحاضرة يكون محمودا بل ربما يكون فيهم من هو شر من البادية كالمنافقين ولهذا قال سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فالذين جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للتخلف عن غزوة تبوك هم من المنافقين من الحاضرة في الغالب وهم الذين عناهم جل وعلا في قوله في سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فهؤلاء منافقون من البادية من الأعراب فالنفاق ليس محصورا في أهل البادية وإنما قد يكون موجودا عند أهل الحاضرة. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, premièrement il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé les bédouins, comme on a mentionné ce verset déjà dans le verset 99 dans Sourate At-Tawbah. Donc on va lire la traduction du verset 99 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les bédouins et parmi les bédouins croient en Allah et au jour dernier, il y en a qui, c'est-à-dire il y a parmi les bédouins qui croient en Allah et au jour dernier et prend ce qu'ils dépensent comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra dans sa miséricorde car Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord ? Donc le cheikh il dit on ne doit pas comprendre de ça que yani les habitants des bédouins sont yani le fait d'habiter dans en dehors des villes c'est quelque chose qui est blâmable en soi parce que c'est possible que il y ait parmi les gens qui habitent en dehors des villes des gens qui soient beaucoup mieux ou meilleurs que les habitants des villes et donc on ne doit pas comprendre que tous ceux qui habitent dans les villes sont loués ou sont glorifiés. Il dit peut-être qu'il y en a parmi eux qui sont plus mauvais que les gens de l'extérieur, ceux qui vivent dans le désert ou à l'extérieur des villes, comme les hypocrites, les munafiqoun. Et il cite à ce sujet-là justement le verset 101 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. » Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Donc c'est pour dire que il y a des munafiqines parmi les bédouins et il y en a aussi parmi les gens de la ville également. Donc il dit ceux qui sont venus lorsqu'il y a eu la bataille de Tabouk et qui ont refusé de partir à la bataille et qui sont venus s'excuser au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas partir. Et ben la plupart c'était des gens de Médine. C'était des munafiqines de la ville en général. Et donc c'est de eux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu parler. Tandis que dans le verset 11 dans Sourate Al-Fath, il parlait plutôt des habitants de l'extérieur des villes, c'est-à-dire les bédouins. Quand il dit par exemple, ceux des bédouins qui ont été laissés derrière te diront, nos biens et nos familles nous ont retenus. Nous ont retenu, implore donc le pardon pour nous. Donc ça veut dire que ici on parle des hypocrites parmi les bédouins. Donc le nifaq, l'hypocrisie, c'est pas quelque chose qui est exclusif ou limité ou qui se limite aux bédouins, aux gens qui habitent à l'extérieur des villes. Yani, c'est possible qu'il soit présent chez les Bédouins, comme ça peut être présent également chez les gens des villes, les citadins. Et le Cheikh, il dit, وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ مَنْ فَرَدَتْ بِهِ الْبَادِيَةِ نَاقِسٌ عَمَّنْ انْفَرَدَتْ بِهِ الْحَاضِرَةِ فِي الْجُمْلَةِ. أي نعم. وقوله فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين إلى آخره هذا عودة من الشيخ رحمه الله إلى النتيجة التي دخل بها في هذا البحث وهو منع التشبه بالأعراب فكل ما سبقه إنما هو تحقيق لهذا الحكم فلماذا منع التشبه بالأعراب لأن الأعراب في الغالب أهل جفاء وأهل نفاق فالتشبه بهم يورث هذه الصفات وهذا هو المراد من كل ما ذكر قبله من الأجناس الأخرى وبواديهم. القاعدة هي أن جنس العرب أفضل من جنس العجم لأن الله فضلهم بأشياء. أولا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من بني إسماعيل عليه السلام. ثانيا أن الله أنزل القرآن بلغتهم. وثالثا أن الله جبلهم على صفات كريمة لا توجد في غيرهم من إكرام الضيف وبذل المعروف وحسن الجوار وغير ذلك. فلا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم وإن كان قد يكون أفراد العجم من هو خير من أفراد العرب وهذه قاعدة معروفة ومضطردة فلا يمدح العرب مطلقا ولا يذم العجم مطلقا وإنما لابد هنا من التفصيل. والعرب على الرغم من أنهم أفضل في الجملة من غيرهم إلا أنهم يتفاضلون أيضا فيما بينهم فقريش أفضل القبائل وبنو هاشم أفضل بطون قريش وهكذا. والمراد ببني هاشم البطن الذي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقريش في الجملة هي أفضل القبائل وبنو هاشم أفضل بطون قريش لأنهم الذين بعث منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنو هاشم أفضل من بني المطلب ومن بني عبد شمس ومن بني نوفل وهم أولاد عبد مناف فأولاد عبد مناف أربعة عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. ففضل بني هاشم على غيرهم ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم فقط ولكن لأن الأفضلية موجودة في أنفسهم فكان هذا من جملة فضائلهم فهم في الأصل لهم فضل على غيرهم. Donc le Cheikh explique, il dit que donc le Cheikh dit, bon, Ibn Taymiyyah par la suite, il revient à la raison pour laquelle il avait commencé à parler de ce sujet-là. C'est pour faire comprendre que ça c'est le résultat de toute la question dont il a parlé quand il a commencé à parler des Bédouins. C'est dans le but d'interdire de ressembler ou d'imiter les Bédouins. Et la raison de ça, c'est à cause de leur rudesse et de leur dureté. Donc pourquoi on a été interdit d'imiter les Bédouins, c'est à cause du fait qu'en général, les gens qui vivent à l'extérieur des grandes villes, et les Bédouins sont des gens rudes, il dit qu'ils ont de l'hypocrisie, des caractéristiques de Nifaq, et le fait de leur ressembler, ça nous fait acquérir ces caractéristiques-là. Et c'est ce que le Cheikh a voulu dire quand il dit que tout ce qu'on a mentionné dans cette partie-là du livre, dans ce chapitre, ou dans cette section, c'est à propos des différents des différentes ethnies et à propos des gens des villes et des gens de l'extérieur des villes, c'était pour établir ce principe-là. Et la règle, c'est quoi? C'est que il dit les Arabes sont meilleurs que les non-Arabes. Et la raison de ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a préférés par certaines caractéristiques ou pour certaines raisons. La première raison, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fasse partie d'eux, qu'il fasse partie des fils d'Ismaïl alayhi salam. La deuxième raison, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran dans leur langue. Et la troisième raison, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en eux ou a mis en eux des caractéristiques de noblesse et de générosité qu'on ne trouve pas nécessairement chez les autres. Comme par exemple, la générosité envers les invités, le fait de dépenser de notre bien et d'être des bons voisins et d'autres choses de ce genre. Il dit qu'il n'y a pas de doute que il n'y a pas de doute que l'ethnie des Arabes est meilleure que l'ethnie des non-Arabes, même si ça ne veut pas dire que chez les non-Arabes, il n'y a pas des individus qui sont meilleurs que certains individus parmi les non-Arabes, parmi les Arabes. Donc il dit que ça c'est une règle qui est connue. Donc il dit que les Arabes sont pas c'est pas une glorification en soi d'être arabe, comme c'est pas un blâme en soi d'être non-arabe, mais il faut uniquement distinguer et clarifier en détail cette question. Donc il dit les Arabes, même s'ils sont meilleurs en général que d'autres, ça ne voudrait pas dire que il y aurait pas d'autres qui peuvent pas être meilleurs que eux. Et il dit, et entre eux même, il y en a certaines tribus qui sont meilleures que d'autres. Il dit comme par exemple Quraysh, c'est la meilleure des tribus. Puis parmi la tribu de Quraysh, il y a plusieurs familles. Et parmi les meilleures familles de Quraysh, la meilleure famille de Quraysh, c'est la famille de Hashim, Bani Hashim. Et c'est la famille de laquelle est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit que, en général, la tribu de Quraysh, elle est meilleure que les autres. Et dans la tribu de Quraysh, la famille de Bani Hashim est meilleure que les autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans cette famille-là. Et Bani Hashim est meilleure que la famille de Bani al-Muttalib. Et la famille de Abd al-Shams, c'est-à-dire la famille de Hashim est meilleure que la famille de Muttalib, est meilleure que la famille de Abd al-Shams, est meilleure que la famille de Nawfil. Et ces quatre-là sont des fils de Abd al-Manaf. Donc Abd al-Manaf, il a eu quatre enfants. Il a eu Abd al-Shams, Nawfil, Al-Muttalib et Hashim. Et Hashim est meilleur que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est de la famille de Hashim. Mais il dit, la famille de Hashim est meilleure, pas seulement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né parmi eux, mais c'est parce qu'elle était déjà meilleure. Hein? Et il dit donc, cette caractéristique d'excellence, elle était présente en elle déjà, et le mérite, elle l'avait déjà avant même la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu parmi eux, c'est quelque chose qui est venu rajouter à leur mérite. Donc ils sont bons à la base, ils sont meilleurs, mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu parmi eux, c'est une autre caractéristique qui est venue ajouter au fait qu'ils soient meilleurs. Hein? C'est les quatre fils de Abd al-Shams. On a dit que les quatre fils de Abd al-Manaf, pardon. Et c'est Abd al-Shams. C'est des noms de mouchriquines, hein, parce que c'était des mouchriquines. Abd al-Manaf, Abd al-Shams. Donc, les quatre fils, c'est Abd al-Shams, Nawfil, Al-Muttalib et Hashim.